première heure, je n'ai vu que le meilleur, en promettant sur ton parcours et la joie et l'amour. Pour toi dès le premier jour, je crois que j'ai tout fait pour resserrer nos vies et nos liens, ton chemin et le mien. C'était bon quand tu dormais dans mes bras, c'était bon d'être là pour tes premiers pas, de te soutenir, tes sourires, ce souvenir. Alors, vois-tu, toute la peine, toutes ces peines perdues, quand le père et ta repère disparu, toute la haine de nos chers rompus, on se perd si tu fais faire l'inconnu. En toi j'ai mis tant d'espoir, souvent je croyais me voir dans le miroir de ton destin, cet écrin en commun. En toi j'ai mis l'avenir, des rêves à n'en plus finir, que mon nom brille à tout jamais à travers ton portrait. Je priais pour qu'un homme à la hauteur puisse après moi t'apporter le vrai bonheur, te soutenir, se souvenir tes sourires. Alors, vois-tu, toute la peine, toutes ces peines perdues, quand le père et ta repère disparu, toute la haine de nos chers rompus, on se perd si tu préfères l'inconnu. Tu toute la peine, toutes ces peines perdues, quand le père est un repère défendu, toute la haine de nos chaînes rompues, je te perds si tu préfères l'inconnu. Pourtant jusqu'au dernier jour, toi, je serai là pour tout te pardonner, mon enfant, toi, ma chair et mon sang.